إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 75 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafizahullah, et c'est le livre Al-Ta'liq al-Qawim, Ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. On est toujours dans le volume 2, et aujourd'hui c'est la page 557. Et donc au dernier cours on a parlé des exagérations de l'extrémisme chez les juifs et les chrétiens et que l'islam interdit ce genre d'extrémisme et d'exagération, puis aussi le laxisme qu'il y a également yani chez les juifs et les chrétiens, et que l'islam c'est la religion de la modération et du juste milieu. Maintenant, on continue sur cette voie, et le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit: Wa ala hada ma fi al-sahihayn, an Anas ibn Malik, qal, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yas'aluna an ibadati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, faqalu: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik. Et si vous vous souvenez, au dernier cours, on a mentionné ce hadith. Hein, on a expliqué ce hadith. C'est un hadith donc qui est rapporté selon Anas ibn Malik par Al-Bukhari et Muslim. Et la narration que je viens de lire, c'est la version de l'imam Al-Bukhari. Donc il dit: il y a trois hommes qui sont venus vers les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque on leur a informé, on leur a donné l'information au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils ont senti qu'ils ont trouvé que c'était peu. Alors ils ont dit: où en sommes-nous, hein? Où sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, tous ses péchés précédents et ses péchés passés, tous ses péchés passés et ses péchés à venir lui ont été pardonnés. Donc, si c'est le cas pour lui qu'il a été pardonné ses péchés passés et futurs et qu'il fait, selon eux, peu d'adoration, eh bien, selon, ils se sont dit, dans ce cas-là, on doit faire plus. On doit faire plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chacun d'entre eux a commencé à mentionner qu'est-ce qu'il voulait faire. Alors, un d'entre eux a dit, moi, dans ce cas-là, je vais prier la nuit, je vais toujours prier la nuit sans dormir. Chaque nuit, je vais prier seulement. Le deuxième, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours, sans arrêt, sans interruption. C'est-à-dire, je vais toujours jeûner à chaque jour et je ne vais jamais cesser de faire le jeûne. Et le troisième a dit, et moi, je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai pas. Je ne vais jamais me marier. Alors, cette parole de ces hommes est arrivée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, êtes-vous ceux qui ont dit telle et telle chose? Il dit, par Allah, je jure que je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui a le plus de piété envers Allah. Et malgré ça, je prie, malgré ça, parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Et parfois je prie la nuit et parfois je dors. Et j'épouse des femmes. Celui qui préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Celui qui préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Et le cheikh il mentionne ensuite une autre version de ce hadith, qui est la version de l'imam Muslim. Il dit « وَرَوَاهُ ورواه مسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم أنا لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير ويعني وفي ترك الشهوات خير من الرهبانية النصرانية التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة وقد خالف هذا بالتأويل لعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله وقال وفي حديث آخر إن السياحة هي الصيام والسائحون هم الصائمون نحو قوله ونحو ذلك وذلك تفسير ما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله والسائحون وقوله سائحات أما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. نعم. donc le cheikh il cite ensuite la version de l'imam Muslim qui est également selon Anas, rapportée selon Anas ibn Malik. Il dit qu'un groupe d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ses œuvres en secret ou bien quand il est chez lui. Alors certains ont dit après: moi je n'épouse pas de femme. D'autres ont dit: moi je ne mange pas de viande. D'autres ont dit: moi je ne dormirai jamais sur un lit. Hein? Donc il veut dormir par terre, il veut pas dormir sur un lit ou sur un tapis. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié Allah, il a fait ses éloges, ses louanges, et il a dit ensuite: yani, j'ai entendu qu'un peuple, ou plutôt des gens, un groupe de personnes ont dit telle et telle chose. Il dit: mais par contre moi parfois je prie et je dors, et parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas, et j'épouse des femmes. Quiconque préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Et les hadiths qui sont en accord avec cette parole sont nombreux pour expliquer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la modération dans l'adoration et l'abandon des désirs, et que ça c'est mieux que le monachisme des chrétiens qui consiste à abandonner tous les désirs, même le mariage et autres. Des choses, des désirs qui sont permis, qui sont licites, comme le mariage, et d'autres choses de ce genre. Et ça, c'est, il dit ensuite également de l'exagération dans l'adoration, que ce soit au sens du jeûne et de la salade. Donc, pour dire que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que la voix des moines et des rabbins, et la voix des gens qui vivent dans les monastères, qui se marient pas, qui se consacrent uniquement à l'adoration, parce que c'est l'équilibre, l'équilibre dans la religion, et de ne pas tomber dans l'extrémisme. Il dit, il y a des gens qui sont tombés dans ce genre d'erreur parce qu'ils ont mal compris certaines choses, ou bien parce qu'ils étaient ignorants. Parmi les fuqaha et parmi les ubbad. Al-ubbad, c'est-à-dire les adorateurs, les gens qui se consacrent beaucoup à l'adoration parmi les musulmans, donc al-ubbad, et les fuqaha, ceux qui ont la connaissance de la religion, qui étudient l'islam, qui comprennent l'islam, qui ont le fiqh. Donc y en a parmi eux qui se sont trompés dans ces questions-là et qui sont tombés dans ces erreurs-là. Ils ont cru que c'était bien de s'abstenir des bonnes choses comme le mariage, des choses de ce genre, ou bien de la viande ou des choses comme ça. Et ils sont tombés dans, il y en a certains exemples de qu'est-ce que font les chrétiens et les juifs dans ces choses-là. Et bien entendu, ça a été critiqué et condamné par les ulama. Et le cheikh, il mentionne un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud dans son Sunan. Et il dit que Abu Umama, parce qu'il cite la chaîne, puis il dit ensuite selon Abu Umama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, permets-moi as-siyaha. As-siyaha, qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement c'est de partir en dehors de la ville en voyage, ou bien de faire des... Aujourd'hui on utilise le terme à l'époque moderne, on utilise as-siyaha pour dire le tourisme. Mais bien entendu, le as-siyaha, comme c'est mentionné ici, c'était plutôt peut-être de partir à l'aventure, ou de partir sans vraiment avoir une destination spécifique pour aller découvrir différents endroits, voir le monde et des choses comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, le as-siyaha dans ma umma, c'est le jihad fi sabilillah. C'est le jihad fi sabilillah, c'est pas de partir et puis de découvrir des endroits, de voir des choses comme sans raison comme ça, non. C'est le djihad, c'est ça le siyaha pour ma umma. Après, il a dit dans un autre hadith, as-siyaha, c'est le jeûne. Il a dit aussi que as-siyaha, c'est le jeûne. Et il mentionne les versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné as-sa'ihun et dans un autre verset as-sa'ihat. Hein, donc as-sa'ihun et as-sa'ihat, il a dit ce sont les gens qui font le jeûne. Et ça, c'est mentionné dans le tafsir, dans l'interprétation de ces versets-là. C'est-à-dire as-sa'ihun, c'est ceux qui font le jeûne et qui jeûnent souvent. Ensuite, wa amma siyaha, il dit siyaha, ça veut dire al-khuruj fil bariya min ghayri maqsadin muayyan. C'est-à-dire tu sors, hein, en dehors des villes sans aucun but spécifique, juste pour comme ça te promener ou voir le monde ou, hein, partir à l'aventure. Et hein, c'est ça, le cheikh il explique que le prophète Sansoum il a dit ça ne fait pas partie de l'islam. Parce qu'il y a des, dans certaines religions, les gens ils faisaient ça. Les moines, hein, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, ou bien même dans le christianisme, ils partent comme ça à travers le monde, s'en vont dans des endroits où il n'y a personne pour adorer Allah. Ou bien ils vont dans des endroits éloignés de leur pays, pour aller vivre dans des petits villages, pour aider les gens, pour aller faire ci et ça, je sais pas, aller s'exclure de la société, puis vivre à l'écart du monde. Donc le cheikh il a dit ça fait pas partie de l'islam. Et comme il a expliqué dans le hadith, c'est soit le jihad fi sabilillah, ou bien le jeûne. Hein? Mais en ce qui concerne de partir comme ça en dehors de la ville, en dehors des villes, puis vivre à l'extérieur comme ça, de vivre en ermite, ou bien d'aller à l'écart des gens, il dit ça ne fait pas partie de l'islam en quoi que ce soit. Il dit وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهِ لَيْسَتِ السِّيَاحَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ وَلَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّينَ وَلَا الصَّالِحِينَ. Donc il dit ça ne fait pas partie de l'islam en quoi que ce soit, et en voulant dire ça n'a rien à voir avec l'islam, et ça ne fait pas non plus partie de l'action des prophètes et des hommes pieux. Donc ça ne fait pas partie de l'islam. As-siyaha, de cette façon-là, ça ne fait pas partie de l'islam. Il dit wa anna jama'atan min ikhwanina qad sahu. Il y a un groupe d'entre nos frères qui ont fait ça, hein, qui est ce qui est interdit. Mais ils ont mal compris, ou bien ils ne savaient pas l'interdiction. Soit ils avaient mal compris les textes, ou bien ils étaient ignorants. Hein. Et il dit. Et en réalité, ça rentre dans qu'est-ce qui fait partie de Ar-Rahbaniya, c'est-à-dire comme le monachisme. Il dit que ça fait partie du monachisme innové. Hein? Et le prophète Sarsim a dit à ce sujet-là, La Rahbaniya t'a fait l'islam. Il dit, dans l'islam, il n'y a pas de monachisme. Il n'y a pas de moine, il n'y a pas de monastère, il n'y a pas de trucs comme ça, les religieuses qui s'excluent de la vie. Hein, et qui se consacrent juste à l'adoration. Non, tous les musulmans, leur vie entière doit être l'adoration, mais sans pour autant s'exclure de la vie de la dunya en même temps. D'accord ? On réunit les différentes dimensions de la vie, que ce soit la dimension de l'adoration, puis la dimension de la vie sociale. Tout ça s'est réuni dans l'islam. On ne sépare pas ça. Après, le cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce qu'on vient de lire comme hadith. Il donne des clarifications. Il dit, وقوله جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من هذا الحديث بروايتيه أن النجاح والفوز وصحة العمل إنما تكون إنما تكون بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن مخالفته حتى وإن كان العمل في الظاهر خير هلاك وضياع لأن النجاة بجعله أسوة وقدوة ولذلك من زعم أن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم قليل وعلل ذلك أنه مغفور له وبالتالي فليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى زيادة عمل، وأن غيره بحاجة إلى الزيادة في العمل، لأنه لم تضمن له المغفرة. هذا زعم وفهم خاطئ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأسبقهم له، ولكن باعتدال ووسطية ومداومة وإتقان وإخلاص لله عز وجل. Donc le cheikh il dit que les trois hommes qui sont venus demander aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut mentionner ou qu'est-ce qu'on veut dire par ces différentes par ce hadith et les deux narrations en question, c'est que le salut et le succès et le fait que nos œuvres, pour que nos œuvres soient valables, eh bien il dit pour avoir le succès et le salut et pour que nos actions soient valables, il faut s'accrocher à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que si tu viens en contradiction avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est dans un acte qui en apparence est bien, eh bien c'est une perdition et un égarement. Non, si tu contredis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quelque chose, même si en apparence ça semble être bien, eh bien c'est une voie de perdition et d'égarement. Il dit parce que le salut vient uniquement dans le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'en faire un modèle et un exemple à suivre. Et c'est pour ça que quiconque pense que l'action du prophète ou l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam était petite ou était peu, et qui utilise ça comme raison pour en disant par exemple qu'il a été pardonné pour ses péchés et que par conséquent le messager sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas besoin de faire plus d'adoration, et que les autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ont besoin de faire plus d'actes d'adoration parce que personne n'a été garanti le pardon excepté lui, il dit ça c'est une compréhension qui est fausse. C'est une pensée et une compréhension qui est fausse. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus, la plus avide de faire le bien. C'est la personne qui est plus avide, c'est-à-dire elle a le plus grand besoin et le plus grand désir de faire le bien. Et elle est la personne qui est la première et qui dépasse toutes les autres dans le bien. Mais avec modération, en étant sur le juste milieu et avec persistance, c'est quelque chose qu'il fait constamment, avec une certaine constance, et également avec maîtrise et pureté d'intention pour Allah seul. Après, le cheikh il dit, فليس العبرة بصورة العمل وإنما بحقيقته ونوعيته لأن الله لا يقبل العمل حتى يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل وأن يقتضي صاحبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل أهل الصلاح والاستقامة والعلم ولذلك من زعم أنه يأتي بخير ولذلك من زعم أنه يأتي بخير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا إلا أن يكون أن يكون فعل ذلك عن اجتهاد منه ورغبة في الخير فيكون مخطئا. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس مني ليس معناه أنه كافر ولكن معناه أنه ليس على طريقتي أو يقال إنه من باب الوعيد فيمر كما جاء مع العلم بأن هذا لا يقتضي الكفر والخروج من الملة. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par yani, qu'est-ce qu'on vient de mentionner, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, c'est que yani, qu'est-ce qui compte, c'est pas vraiment la forme de l'adoration, hein, ou l'apparence, ou la forme extérieure de cette adoration là mais plutôt qu'est-ce qui est plus important, c'est la réalité et la catégorie ou la sorte de cette adoration là et sa qualité. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une adoration jusqu'à ce qu'elle ait respecté les conditions, et les conditions pour l'acceptation des œuvres, on les connaît, c'est les deux conditions, hein, que les ulama mentionnent régulièrement et souvent, c'est premièrement al-ikhlasu lillah. Donc il faut que cette action soit faite avec sincérité et qu'elle soit faite purement pour Allah seul, et deuxièmement qu'elle soit faite en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'action et l'attitude des gens du bien et les gens qui sont sur la droiture et les gens de science. Et c'est pour cette raison que celui qui pense qu'il va ramener un bien quelconque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ramené, hein, celui qui pense qu'il peut ramener un bien ou quelque chose qui est meilleur que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené dans la religion, c'est clair que cette personne, elle est kafir, c'est-à-dire elle n'est pas croyante. Parce que sinon, le cheikh dit, excepté si quelqu'un a fait ça dans le sens de l'ijtihad, en souhaitant le bien. Donc dans ce cas-là, il est dans l'erreur. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, « Laysa minni ». Laysa minni, ça veut dire il n'est pas de moi. Et ça ne signifie pas qu'il est kafir, mais ça signifie yani, qu'il n'est pas sur ma voie. Ou bien yani, que c'est dans le sens de la menace. Et donc, les hadiths, les textes de la religion qui parlent de la menace d'Allah, il faut les laisser tels quels. Il ne faut pas essayer de les interpréter. Il faut les laisser tels quels. Et il dit, tout en sachant que cela n'implique pas la mécréance, le kufr, ou le fait de sortir de la religion. Donc c'est ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos des gens qui, yani, par exemple, avaient dit, moi je vais pas dormir, je vais jeûner tout le temps. Ou bien les autres qui ont dit, moi je vais pas épouser de femme, je vais rester toujours célibataire. Et les autres qui ont dit, moi je vais par exemple jeûner tous les jours. Le prophète à la fin, il a dit, celui qui aime ou qui préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Quand il dit il n'est pas de moi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Le cheikh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il est kafir, mais ça veut dire qu'il n'est pas sur ma voie. Hein? Ou bien, c'est dans le sens de la menace. C'est comme un hadith qui fait partie des menaces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien parfois il y a des versets dans lesquels il y a des menaces d'un châtiment ou de l'enfer ou des choses comme ça. Donc ça rentre dans les hadiths de la menace. On les laisse tels qu'ils sont, hein, tout en sachant que cela n'implique pas la mécréance ou qu'on est sorti de la religion. Après, le cheikh il dit, wa qawluhu wal ahadith al muwafiqatu li hadha kathira. يعني كثيرة في بيان سنته صلى الله عليه وسلم التي هي الاقتصاد في العبادة يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الاعتدال فليس هو غلو وليس فيها تساهل يخرج بالمسلم عن دائرة الدين والاعتدال والرفق بالنفس فهي مدعاة إلى الاستمرار في العمل بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة واتباع لشهوات النفس والهوى والغلو والغلو خروج عما شرع الله وذلك بإزهاق النفس والمشقة عليها حتى تترك العمل وتنقطع. Donc le cheikh il explique que les hadiths qui sont en accord avec ça sont nombreux. C'est-à-dire avec ça, avec quoi? Avec l'exemple des trois qui ont dit qu'ils allaient essayer de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit il y en a beaucoup de hadiths qui expliquent que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est d'être modéré dans l'adoration. Barakallahu fik. C'est d'être modéré dans l'adoration et d'être modéré dans l'adoration l'iqtisad ou fi l'ibada. Puis après, qu'est-ce qu'il a, c'était quoi l'expression après? Le cheikh il explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est établie sur la modération, sur al-i'tidal. Al-i'tidal, ça veut dire que tu vas être juste, tu vas être équilibré. Tu vas pas être d'un extrême ou de l'autre, tu vas être modéré. C'est ça qu'on traduit parfois, comme on dit, le fait d'être modéré, on dit al-i'tidal, dans le sens, tu vas pas être d'un extrême, puis tu vas pas être dans l'autre. Tu vas être au juste milieu. C'est ça, tu vas être équilibré. Falaysa fiha ghulou. Il n'y a pas d'extrême. Aujourd'hui, les gens ils comprennent mal la notion de modération. Ils pensent que la modération, c'est par rapport à qu'est-ce que les kuffars considèrent eux comme étant de la modération. Comme si, par exemple, pour les non-musulmans, un musulman qui prie cinq fois par jour, c'est l'extrémisme, c'est extrémiste, c'est extrême, c'est radical. Donc ils vont dire, tu vois, même maintenant, par exemple, avec les actes terroristes qui ont eu lieu dans certains pays, les gens ils commencent à dire n'importe quoi. Et même les gouvernements dans les pays non musulmans, ils ont ouvert des lignes de pour que les gens puissent appeler, puis savoir reconnaître les signes de radicalisation. Et parfois, ils mélangent des choses. C'est-à-dire que parfois, ils vont mettre des choses qu'ils considèrent, eux, comme de la radicalisation ou de l'extrémisme, alors qu'en réalité, c'est des pratiques islamiques connues depuis des siècles que les musulmans ont toujours pratiquées. Et c'est des choses qui sont, normales. Et c'est des choses qui font partie de la modération, non de l'extrémisme. Donc, par exemple, un musulman qui laisse pousser sa barbe, quelqu'un, par exemple, qui porte un vêtement traditionnel, ou bien quelqu'un qui, par exemple, décide que, bon, il n'écoute pas de musique. Donc, ah, ça, c'est de la radicalisation. Il n'écoute pas de musique, ça, c'est radicalisation. Ou bien une femme qui porte le djilbab, ou qui met le niqab, on dit ça c'est de l'extrémisme. Ou bien par exemple un homme qui refuse de serrer la main aux femmes, on dit ça c'est de radicalisation. Des choses comme ça, il y en a banales, des choses simples qui sont connues dans l'islam, qui font partie du Coran, des choses qui sont prouvées par les versets du Coran et de la Sunna, et eux ils disent non ça c'est de la radicalisation alors que ça n'a rien à voir. Donc il y a un mélange entre les choses et ça c'est dangereux. Donc la modération ne doit pas être déterminée par rapport à ce que les non-musulmans considèrent comme étant modéré, mais doit être déterminée par rapport à la charia, par rapport à la loi et aux règles de l'islam, du Coran et de la sunna et de la compréhension des salafs. Donc le cheikh il dit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam elle est établie sur la modération, elle est établie sur le fait qu'il n'y a pas d'extrémisme dedans et il n'y a pas non plus de laxisme dedans qui va faire en sorte que si le musulman tombe dans ce genre de laxisme il risquerait de sortir même de la religion. Donc il n'y a pas d'extrémisme, d'exagération, il n'y a pas de laxisme dans le sens de se délaisser et de s'écarter des obligations religieuses, mais c'est d'être au juste milieu et en même temps d'être doux envers sa propre personne, d'être doux avec soi-même, dans le sens que tu ne vas pas te pousser à l'extrême et te forcer à un niveau d'adoration que à tel point que tu vas être épuisé ou fatigué ou tu vas te faire du mal à toi-même. Hein? Et il y a l'exemple d'un des sahabis, je pense que c'était Salman qui était avec un autre sahabi, je me rappelle plus c'était qui, mais bon, il était allé passer la nuit chez ce sahabi, et yani, sa femme, elle avait des vêtements négligés. Et en même temps, lui, bon, il arrivait pour manger et il ne voulait pas manger. Il a dit, moi je jeûne. Alors il a dit, je ne mangerai pas tant que tu manges. Hein? Alors il a mangé. Quand c'était le moment de dormir, hein, lui, il ne voulait pas dormir, il voulait prier. Il a dit, tu dors, et puis on verra, comme si tu dors, mais comme si en voulant dire, moi je vais dormir, mais toi aussi tu dois dormir, tu dois te reposer un peu. Et Salman avait constaté qu'il y avait comme un genre d'exagération, hein, dans l'adoration de celui-là. Donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain. Le sahabi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de Salman. Il a dit, ô messager d'Allah, j'avais invité Salman chez moi, puis voici ce qu'il a fait. Quand je voulais prier la nuit, il m'a fait dormir. Quand je voulais pas manger, je voulais jeûner, lui il m'a fait manger. Et tu vois, des choses comme ça. Et il a dit, il a raison. Qu'est-ce qu'il a fait Salman? Il a raison. Il a dit, parce que ton corps, il a un droit sur toi. Et ta femme, elle a un droit sur toi. Et tes frères, ils ont le droit sur toi, ainsi de suite. Donc en voulant dire, tu peux pas juste te pousser comme ça à l'extrême dans l'adoration, puis tu délaisses les droits des gens, tu délaisses même les droits de ton corps. Donc ça c'est dangereux et c'est mauvais. Exactement. Pour pouvoir adorer Allah, ton corps il a besoin de force, il a besoin d'énergie. Et donc il faut que tu te nourrisses. Et quand tu te nourris avec l'intention d'avoir la force pour pouvoir continuer à adorer Allah, cet acte qui est un acte normal, naturel, qui n'est pas à la base une adoration, avec cette intention-là, il devient une adoration. Donc c'est ça qui est bien. Yani. Donc le cheikh il dit ensuite, نعم وهي مدعاة إلى الاستمرار في العمل. Donc c'est ça, le fait d'être doux envers ton âme, de pas te forcer au point de tomber dans l'exagération, eh bien c'est ça ce qui va faire que tu vas être capable à continuer de faire cet acte avec constance, hein, de le faire constamment. Et contrairement à la personne qui va être trop laxiste, hein, puis qui va être tellement lousse, hein, tellement se laisser aller tellement que elle va même sortir complètement de l'obéissance d'Allah et suivre ses passions et les désirs de son âme et ses tentations. Ça c'est un autre extrême. Ça aussi c'est dangereux. Donc il faut pas tomber dans l'exagération, faut pas tomber dans le laxisme au point où tu vas laisser tomber, hein, les choses obligatoires, puis te laisser aller dans tous tes désirs et tes passions. Donc l'extrémisme, c'est quoi? Le cheikh il dit, c'est de sortir de ce que Allah a légiféré, hein, et c'est de t'épuiser et de mettre sur ton âme des choses trop lourdes et de t'épuiser à l'adoration jusqu'à ce que tu abandonnes complètement les œuvres et que tu cesses, hein, l'adoration. Donc ça c'est quelque chose d'interdit. Le cheikh il dit ensuite, وقوله وقد خالف هذا بالتأويل لعدم العلم طائفة أي أن جماعة من هذه الأمة خالفوا منهج الاعتدال إما لتأويل وهو صرف النصوص عن ظاهرها وإخراجها عن مدلولها وإما بالتشدد والظن أن من فعل ذلك أكثر عبادة وأكثر أجرا فهم بين الطرفين إما مؤولة وإما مشددة خرجوا عن الطاعة بالتشدد والدين هو بين الأمرين فهو دين الاعتدال والوسطية. Donc le cheikh il dit, il y a des gens qui ont contredit le juste milieu. Et il dit que ça c'est parce que soit ils ont mal compris la religion ou mal interprété la religion. Et déjà quand ils tombent dans cette erreur là, comme mal compris ou mal interprété la religion, il y a deux raisons qui peuvent les amener à faire ça, soit parce qu'ils n'ont pas de science, ou soit parce qu'ils ont une mauvaise intention. Tu vois? Donc, la personne, le cheikh il dit, donc il y a un groupe parmi les musulmans qui font partie de cette umma, ils ont contredit la voie de l'équilibre et du juste milieu, soit parce qu'ils ont mal interprété la religion, c'est-à-dire ils ont fait sortir les textes de leur sens apparent, ou bien ils les ont fait sortir de ce qu'ils indiquent réellement, et ce qu'ils prouvent, et soit ils ont fait ça parce qu'ils tombent dans l'extrémisme, et ils veulent être trop durs dans la religion, et ils ont pensé que celui qui agissait ainsi allait avoir plus d'adoration et donc plus de récompenses, hein? Donc c'est ça le danger aussi de l'extrémisme. Les gens, ils ont parfois une bonne intention, mais ils pensent que, bon, moi, je veux faire plus. Et si je fais plus, automatiquement, ça veut dire que je vais avoir plus de récompenses. Pourtant, c'est pas nécessaire. Hein, c'est pas nécessairement le cas. Et souvent, même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne l'exemple des Khawarij à ce sujet-là. Et quand il parle de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des Khawarij, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit des Khawarij, regardez, il dit de la descendance de cet homme, il va y avoir des hommes qui vont arriver, qui vont être extrêmes dans l'adoration. Il dit aux sahaba, ces Khawarij, quand ils vont sortir, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière. Il dit ça aux sahaba. C'est-à-dire, les sahaba, quand ils vont voir les Khawarij, ils vont dire, eux, nous, on ne fait rien par rapport à eux comme prière. Et nous, on ne fait rien par rapport à eux comme jeûne. Et nous, on ne fait rien comme récitation du Coran par rapport aux Khawarij. Eux, ils font plus que nous. Hein? Donc, c'est-à-dire que ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adoration. Est-ce que ça veut dire que parce qu'ils font extrêmement beaucoup d'adoration, qu'ils sont meilleurs que les sahaba? Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement après, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ. Ça veut dire que, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُوا حَنَاجِرَهُمْ. C'est-à-dire qu'ils sortent de la religion comme la flèche qui passe à travers la proie ou la cible, hein, l'animal, la flèche, elle passe à travers tellement rapidement que elle sort par l'autre côté et il n'y a pas une trace de sang dessus, il n'y a aucune trace dessus. C'est-à-dire, ils sont sortis comme ils sont rentrés, hein, à la vitesse de la flèche. Et en même temps, qu'est-ce que tu constates? C'est que ils récitent le Coran, mais ils comprennent rien de ce qu'ils récitent. Parce qu'ils lisent le Coran, mais ils n'ont pas de connaissance, de compréhension. Hein? Et donc, c'est pour ça que le fait de faire beaucoup, ça ne veut rien dire. Regardez, qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit, comme l'imam al-Ajurri, il a cité cette parole de l'imam de Sahabi, Abdullah ibn Abbas. Il dit, à propos des Khawarij, il a dit à propos des Khawarij, ils ne font pas plus d'adoration que les Juifs et les chrétiens. Les Juifs et les chrétiens sont plus extrémistes que les Khawarij dans l'adoration. Et malgré ça, ils sont dans l'égarement. C'est-à-dire, en voulant dire que si vous voulez vous baser sur l'adoration des Khawarij, et que c'est ça selon eux, ils pensent, vous pensez qu'ils sont sur la vérité parce qu'ils font beaucoup d'adoration, regardez les Juifs et les chrétiens. Ils font plus d'adoration encore que les Khawarij et malgré tout ils sont dans l'égarement. Donc la quantité d'adoration, c'est pas ça qui prouve que tu es sur le haqq. La quantité de zikr, ça veut pas dire que tu es plus bien guidé parce que tu fais plus de zikr. Regardez les soufis, hein. ils vont rester pendant toute la journée assis pour faire un dhikr avec plein de bid'a dedans, même des fois du shirk. Alors le fait de faire ça, ça si tu n'as pas de science, si tu ne suis pas la sunna, si tu ne te limites pas à qu'est-ce qui est légiféré, ça ne veut rien dire, hein? Donc le cheikh il dit, donc s'il détourne, il y a des groupes qui ont dévié, hein? Soit parce qu'ils ont mal interprété les textes et les ont fait sortir de leur sens apparent, hein, et ils sont tombés dans l'exagération en pensant qu'en faisant plus d'adoration ils allaient avoir plus de récompenses. Et donc ceux-là sont de deux extrêmes. C'est soit les gens qui ont déformé la compréhension de la religion parce qu'ils ont mal interprété, soit en faisant trop et en voulant exagérer. Donc ils sont par la suite sortis de l'obéissance en exagérant et en ajoutant. Et il dit que la religion, c'est entre deux choses. Donc c'est entre deux extrêmes. C'est d'être au juste milieu et d'être dans la modération. Après le cheikh dit wa qawluhu inna siyahata ummati al-jihad ay anna min ar-rahbaniyah التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النصارى من السياحة في الأرض التي يقصدون بها العبادة فيهيمون في الأرض يهيمون في الأرض يعني من باب العبادة والانقطاع لها ولا يستقرون في البيوت ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره وأما السياحة المذكورة في القرآن في قوله السائحون الراكعون الساجدون وقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فالسياحة المذكورة هنا المراد بها أحد أمرين إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار ولإعلاء كلمة الله لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو فيصير معنى السياحة الجهاد في سبيل الله وإما أن المراد بالسياحة الصيام لقوله تعالى سائحات يعني صائمات فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين إما الجهاد وإما الصيام. Donc le cheikh il dit que quand le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le siyaha, le voyage que les, bon il va l'expliquer, il dit le siyaha dans l'islam c'est pour ma umma c'est le jihad. Il explique que les chrétiens, les moines chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de leur voie. Le monachisme, qu'est-ce qu'on appelle le monachisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti contre cette innovation que les chrétiens avaient inventée. Parmi les innovations du monachisme et des moines, c'est qu'est-ce qu'on appelle as-siyaha en arabe. C'est-à-dire, tu pars sur la terre avec l'intention de faire de l'adoration, dans le sens que tu erres sur la terre, tu pars à l'aventure, mais sans avoir un objectif spécifique, juste pour partir par le monde et puis rencontrer des gens, adorer Allah, faire du bien, servir les gens, puis tu pars d'une ville à une autre ville, à une autre ville. Il y en a qui traversent, peut-être ils vont traverser un continent au complet comme ça, hein. Et ils pensent que ça c'est une forme d'adoration. Hein? Ils se séparent de la ville, de la vie, de l'endroit d'où ils viennent pour aller s'installer quelque part ailleurs ou aller voyager ailleurs dans les montagnes, dans les endroits isolés, dans les endroits. Et ils partent comme ça à l'aventure. Donc le cheikh il explique que ça. Et Ali, ça ne fait pas partie de l'islam, et nous, on a été interdit de leur ressembler dans ces choses-là. Par contre, quelqu'un pourrait dire, oui, mais dans le Coran, il y a la mention de as-sa'ihun, puis sa'ihat. Dans le Coran, Donc ça veut dire qu'on est encouragé de partir comme ça, nous aussi, puisque c'est le même terme qui est mentionné dans le Coran. Le cheikh il explique, il dit non, le verset 112 dans surat At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit As-sa'ihun, ar-raki'un, as-sajidun, c'est-à-dire ceux qui font as-siyaha, ceux qui font le recours et ceux qui font le sujoud, c'est-à-dire ils s'inclinent, ils se prosternent, c'est des actes d'adoration. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans surat at-talaq, le divorce, il dit que son Seigneur, s'il vous divorce, en parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit s'il vous divorce, Allah va lui échanger ses épouses par des épouses meilleures que vous, qui sont musulmanes, qui sont croyantes, qui sont obéissantes, qui sont repentantes, qui sont des adoratrices, hein, qui adorent Allah et qui sont sa'ihat. Donc le cheikh explique que dans le premier verset, le terme siyaha dans la religion de l'islam, selon la charia, ça peut avoir deux significations. La première signification, c'est al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire de lutter et de combattre dans le sentier d'Allah pour combattre les kuffars et d'élever la parole d'Allah. Parce que ça demande de voyager. Quand tu pars au combat pour rencontrer l'ennemi, tu sors du pays, vers le pays de l'ennemi, ça demande de voyager. Donc ça c'est ça notre voyage en islam, notre siyaha, si on veut notre tourisme, on ne peut pas le traduire comme ça, mais bon, c'est l'emploi du terme aujourd'hui, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est le sens de vouloir voyager pour l'adoration. C'est ça que ça veut dire. Le voyage dans le but de faire une adoration. Donc il dit, si c'est pour le djihad, oui, ça fait partie de la charia. Bien entendu, à condition que ce soit le djihad légiféré par l'islam selon les conditions de l'islam. Et non pas le djihad des khawarij qui consiste à faire du désordre, puis à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Hein? Donc le cheikh il dit, c'est ça la signification de as-siyaha dans l'islam, c'est al-jihad fi sabilillah, comme c'est mentionné dans le hadith. L'autre signification du terme siyaha, c'est le jeûne. Comme dans le verset de surat at-talaq, as-sa'ihat, en parlant des femmes qui jeûnent beaucoup. Donc ça c'est la deuxième signification du terme siyaha dans la charia. Et donc dans l'islam, le terme siyaha ne peut pas sortir de ces deux significations là. La première signification, le jihad fi sabilillah, la deuxième signification c'est as-siyam. C'est at-tahrim, pardon. Il dit surat al-talaq, mais c'est surat al-tahrim. Al-tahrim, c'est surat 66. Al-tahrim, c'est l'interdiction. Oui, c'est le verset 5. Non. Il dit le verset, s'il vous divorce, ou s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange, ou bien son Seigneur lui donnera en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses. Tu vois, sa'ihat, ils l'ont traduit comme jeûneuses. Thayyibatin wa abkara. Les femmes qui ont déjà été mariées, qui sont veuves ou divorcées, ou abkara, yani vierges. Elles ont été en accord avec la parole d'Allah. C'est arrivé souvent que Omar ibn Khattab il dit des choses, puis Allah il descend un verset qui correspond à ce qu'il a dit. Le cheikh il dit ensuite il dit wa imma anna al murad bis siyaha, donc on l'a dit, al siyam al jihad ou al siyam. Il dit wa amma al siyaha li ghayri hadain al gharadain كأن تكون من باب التعبد فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد وإنما يقصد بها النزهة أو التوسع في الأرض فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات ولا تدخل في السياحة المنهي عنها إلا إذا ترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. Donc ça c'est intéressant ici, le cheikh qu'est-ce qu'il clarifie pour éviter de tomber dans l'ambiguïté par rapport à la traduction du terme siyaha aujourd'hui qu'on traduit, on l'utilise pour dire le tourisme en arabe, le mot siyaha. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de vouloir faire siyaha pour autre que ces deux buts ou ces deux objectifs qu'on a mentionnés, le jihad et le jeûne, eh bien comme par exemple, il dit, si c'est fait pour autre que le jihad et autre que, si c'est autre que le jihad et autre que le jeûne, et que c'est fait dans le sens de l'adoration, dans ce cas-là, c'est une bid'a. Et ça rentre dans le monachisme des chrétiens, la bid'a des chrétiens. Toutefois, si c'est le fait de voyager, mais pas dans le sens de l'adoration, pas dans le sens de l'adoration, c'est juste dans le but de yani, partir pour se reposer ou bien pour s'amuser, hein, puis pour aller visiter différents endroits sur la terre, il dit ça fait partie des choses qui sont permises. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de l'adoration. Donc si tu pars dans un pays pour aller visiter, pour aller voir, pour aller yani, te reposer, puis que c'est pas dans le but de faire une, tu fais pas ça dans le sens que c'est une adoration, hein? Dans ce cas-là c'est correct, c'est permis de le faire. Il dit, et ça ne rentre pas dans le voyage qui est interdit, excepté si il y a des choses qui sont reliées à ce voyage-là qui impliquent que tu vas abandonner ce qui est obligatoire ou faire ce qui est haram. Donc si tu t'en vas en voyage, tu vas faire du tourisme, puis l'endroit où tu vas faire le tourisme, tu vas abandonner ce qui est obligatoire de la religion, ou tu vas faire ce qui est interdit par l'islam, là, dans ce cas-là, ce tourisme-là, c'est haram. C'est pas permis. Comme les kuffars, quand ils vont faire du tourisme, ils vont pour faire des péchés. Ben, le musulman, s'il va aller voyager quelque part pour visiter un pays ou pour visiter quelque part, eh bien, il ne doit pas y aller dans le but de s'éloigner ou d'abandonner ce qui est obligatoire ou de faire ce qui est interdit. Mais il va pour se reposer, pour se détendre, changer les idées ou des choses comme ça. Bien entendu, il y a des ulama qui ont clarifié que les musulmans, s'ils vont aller dans des pays pour faire du tourisme, ils ne devraient pas aller dans les pays des non-musulmans, mais ils devraient aller dans les pays des musulmans. Parce que dans les pays des non-musulmans, il y a beaucoup de choses qui, justement, les éloignent d'Allah et les amènent à faire des péchés et les éloignent de l'obéissance. Donc, si quelqu'un est dans un pays musulman, il veut aller faire du tourisme, eh bien qu'il aille dans un pays musulman. Mais en même temps, qu'il fasse attention de ne pas tomber dans le fait d'abandonner ce qui est obligatoire et de faire ce qui est haram. Ensuite, le cheikh, il dit... وقوله ومع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة فإن قوما من هذه الأمة فعلوا ذلك تشبها بالرهبانية ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث ذلك حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لا سلكتموه. أقول ومن هذا ما يفعله الآن الصوفية الديوبندية وأتباعهم ممن يسمون جماعة التبليغ من تشريع الخروج مددا محدودة عندهم ما أنزل الله بها من سلطان وفيها تضييع لعوائلهم وترك لطلب الرزق ومضار كثيرة إلى بدع أخرى يفعلونها أثناء هذا الخروج المبتدع ويترك يعني يترك من يتبعهم أعماله يترك من يتبعهم أعماله الوظيفية النافعة التي له وللمجتمع فيجب على المسلمين الحذر من هذه الجماعة والتحذير منها لأنها تربي أتباعها على الصوفية الضالة التي يقولون أنها تطوب العصاة ونقول إنهم يطوبونهم من معصية ويوقعونهم في بدعة والبدعة أشد من المعصية وهي بدعة التصوف. Donc le cheikh il explique que ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a dit et il y a malgré ça un groupe parmi nos frères qui ont fait ce genre de voyage interdit. Il dit c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ce genre de voyage innové mais qu'il y a des gens dans cette umma qui l'ont fait pour en ressemblant aux moines et aux monastères. Les moines qui sont dans les monastères qui partent à l'aventure et qui voyagent dans le sens que c'est une adoration de voyager. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que cela allait arriver. C'est-à-dire, il avait annoncé qu'il y avait des musulmans qui allaient essayer d'imiter les juifs et les chrétiens. Dans le hadith dans lequel il a mentionné, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il dit... vous allez suivre les exemples de ceux qui étaient avant vous, pas à pas. Yani shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Yani même si à un tel point, vous allez les suivre à un tel point, comme si vous allez les imiter et les suivre et faire comme eux, à un tel point que si un d'entre eux avait suivi un lézard dans son trou, eh bien vous aussi vous auriez vous seriez rentré dans essayer de rentrer dans ce trou là pour le suivre. Donc le cheikh il dit et cheikh Al-Fawzan il dit je dis parmi les gens qui font cela aujourd'hui il y a le groupe des soufis Diobandi de la secte des Diobandiya et ceux qui les suivent parmi ceux qu'on appelle Jama'atut Tabligh et ils ont essayé de légiférer l'idée de sortir un nombre de jours ou un nombre de une durée de temps prédéterminée, souvent c'est comme ils disent 3 jours ou 40 jours ou 4 mois ou je sais pas quoi. Puis il y a aucune preuve qui a été révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Donc ils inventent un nombre de jours que dans lequel tu dois sortir, puis ils délaissent leur famille. Ils délaissent leur famille, leurs femmes et leurs enfants, ils les abandonnent pendant cette période. Et ils laissent également la quête de la subsistance, et il y a comme conséquence beaucoup d'effets néfastes à ça aussi. Et il y a beaucoup d'autres innovations et beaucoup d'autres bid'ah qu'ils font pendant ces sorties innovées. Et ils abandonnent également leurs emplois, qui sont des emplois et des postes bénéfiques pour eux-mêmes et pour la société. Et ils abandonnent ça. Et donc, il est obligatoire aux musulmans de mettre en garde contre ce groupe et d'avertir contre eux. Parce qu'elle éduque les gens qui les suivent à suivre le soufisme et son égarement. Et les gens disent souvent au sujet de ce groupe, ils ramènent les pécheurs à la repentance. Ils ramènent les pécheurs à se repentir. Et le cheikh, il dit, ils les font se repentir de quoi? Ils les font se repentir du péché et ils les font tomber dans la bid'a. Alors que la bid'a est plus dangereuse que le péché. Et c'est la bid'a du soufisme, du tasawwuf. Donc ça c'est un exemple clair que le cheikh ici il mentionne à propos de la secte ou le groupe d'égarement qu'on appelle la secte de Jama'at ou de Tablir. Et qu'est-ce qu'il a expliqué à leur sujet? C'est clair. C'est un groupe qui suit l'école ou bien la pensée, les idéologies de l'école des Diobandiyah en Inde. Hein, parce que le fondateur de ce groupe, qui s'appelait Mohamed Elias Al-Kandahlawi, il fait partie de cette école des Soufia de Diobandiyah. Et parmi les idées qu'ils ont, c'est ça, c'est les Turuq Soufia. Ils suivent les différentes Turuq Soufia. Et la tariqa de Mohamed Elias Al-Kandahlawi, je crois que c'était la tariqa Al-Jistiyah. Et il a établi son groupe de Jama'at Tablir sur une allégeance à quatre Turuq Soufia. C'était les quatre Turuq en question, c'est Al-Naqshbandiyah, Al-Saharwardiyah, Al-Jistiyah, Al-Qadiriyah. Et en fait, c'était dans le but de réunir toutes ces différentes Turuq pour combattre la da'wa salafia. C'est ça l'objectif des groupes comme Ikhwan al-Muslimin et des groupes comme Jama'at al-Tablir, c'est de contrer et de combattre dans le monde la progression de la da'wa salafia. Ça, c'est un des objectifs de ces groupes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'autre objectif principal et fondamental que d'éloigner les gens du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf al-salih, et de les éloigner de l'apprentissage du tawhid et de la Sunna. D'accord? Donc c'est pour ça. Et beaucoup de gens malheureusement se laissent tromper par leur apparence de piété, qui est une fausse apparence, puisque lorsque tu réalises un peu plus, par la suite tu réalises que ce sont des gens de bid'a et des soufis. Et même si parmi eux certains ne vont pas ouvertement se dire soufis ou bien appeler au soufisme, mais ils ne vont pas critiquer ou condamner le soufisme. Même au contraire, ceux qui s'avancent un peu plus dans le groupe et qui s'approfondissent un peu plus dans la jama'a, hein, plus qu'ils se rapprochent des responsables et des chefs de cette jama'a, ils tombent de plus en plus dans at-tasawwuf. Et ça, j'ai des gens que j'ai connus qui étaient avec Jama'at Tablir depuis des années, et aujourd'hui, ils sont des soufis, yani 100%. Hein? Tasawuf, c'est la bid'a des soufis. Soufis. En fait, tasawuf, c'est un terme que tu peux dire que c'est toutes sortes de bid'a mélangées ensemble. Parce qu'il n'y a pas une définition claire de qu'est-ce que c'est tasawuf. Parce que le tasawuf lui-même, même par les soufis eux-mêmes, si tu regardes les définitions qu'eux-mêmes ont données du soufisme, il y en a des milliers. Et chacune d'entre elles est différente de l'autre. Mais ils ont des caractéristiques qui se ressemblent ou des points en commun. Et parmi ces points qui sont en commun, c'est la bid'a et l'égarement. Donc c'est des gens qui vont prétendre vouloir s'attacher à l'adoration, vouloir s'attacher à qu'est-ce qui est la piété, le rappel d'Allah, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est une couverture. C'est juste une comme on dit, une façade. Mais il n'y a pas une traduction telle quelle. Si tu veux, il y en a qui le traduisent par le mysticisme. Ils l'appellent le mysticisme. Déjà, juste le mot mysticisme, tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct là-dedans. Parce que la mystique, dans toutes les différentes religions, il y a le mysticisme chrétien, le mysticisme juif, le mysticisme grec, toute forme de mysticisme, tu vois qu'il y a toujours quelque chose de caché là-dedans. Et c'est comme de l'ésotérisme aussi, c'est la même chose. Il y a une partie comme de données ou de notions secrètes. Hein, l'idée que il y a d'autres façons de se rendre, d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'adorer Allah, ou de plaire à Allah, il y a d'autres moyens que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça la réalité du soufisme. C'est de croire qu'il y a une autre façon de se rapprocher d'Allah, autre que qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et qui peut te faire arriver à Allah plus vite et mieux que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Mais eux, ils ne vont jamais dire ça. Quand ils vont parler à quelqu'un qui n'est pas soufi, ils ne vont pas dire ça comme ça. Parce que bien entendu, s'ils disent ça ouvertement, c'est clair que c'est des égarés. Mais ils vont utiliser d'autres façons. Tu vois. Une fois, j'ai rencontré un groupe de soufis parmi les Naqshbandiyyah. Je leur ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le soufisme? Il y en a un qui m'a répondu, il m'a dit, c'est de se noyer dans l'amour éternel d'Allah. Tu vois, des paroles comme ça. Tu dis, mais ça veut dire quoi ça? Hein? Et là, il m'a cité une parole, il m'a dit, c'est un hadith qui est dans le Bukhari. Le hadith n'est même pas dans le Bukhari. Ils inventent des hadiths. Donc c'est pour dire, c'est des gens comme ça. Des gens qui mentent à propos d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent au shirk et au kufr et au bid'a et aux égarements. Et tout ça, ils prétendent que hein, c'est parce qu'ils sont pieux ou parce qu'ils veulent le bien ou ils aiment le bien. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et parce que les points que le cheikh il mentionne maintenant, cheikh Al-Fawzan, il clarifie des éléments et des questions qui sont vraiment importantes. Et on peut pas juste passer par-dessus comme ça en vitesse. Là, il faut prendre le temps pour bien comprendre chaque partie, hein, chaque partie de qu'est-ce qu'on arrive. Parce que on a passé. Disons, on est encore dans l'introduction du livre, et au fur et à mesure que là, le cheikh il mentionne les preuves du Coran par rapport au fait que c'est interdit d'imiter les juifs et les chrétiens. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il mentionne aussi des preuves de la Sunna. Après, il va mentionner des preuves dans l'ijma, hein, l'exemple de l'ijma des Sahaba et des ulama. Walaykum salam. Puis après, il va mentionner des exemples, en tout cas vous allez voir au fur et à mesure. Puis après, il va rentrer dans les questions qui ont rapport avec le tawhid et l'aqidah. Donc c'est vraiment étape par étape. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.